ce que le système a mis de côté pour tous les délaissés, les désœuvrés, écœurés, pour les pestiférés, les exclus de la société. On est grâce ceux qui n'ont rien, c'est ça la dure réalité. Donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, mettre en lumière celui qu'on ne voit même pas, aux côtés de ceux que la vie condamne déjà, ceux qui subissent quotidiennement le dictat de l'État. Trop de sans-droits, de sans-toits, sans emploi, des familles entières qui galèrent en fin de mois. La vie coûte cher alors que la misère prend du poids. Trop de logements vides pendant que des gens meurent de froid. Combien de temps encore on va subir tout ça? Hélas, rien ne s'arrange, l'inégalité s'accroît. Avec leurs dettes, sur leurs têtes, nos enfants y auront droit. On voudrait vivre autrement, mais rien n'est fait pour changer ça. Pour tous les oubliés, négligés, isolés, pour tous les rejetés, les sans-papiers, c'est pour tout ce que le système a mis de côté. Pour tous les délaissés, pour les pestiférés, les exclus de la société. On écrase ceux qui n'ont rien, c'est ça la dure réalité. Population que l'on délaisse, population dans la détresse. Malgré tous les SOS, le système s'en désintéresse. Pas d'avenir pour la jeunesse, trop de mythos, trop de promesses. On ponctionne les plus modestes pendant que les vampires s'engraissent. On nous oblige, on nous rabaisse, on nous écrase, on nous compresse. On nous impose, on nous oppresse, nous on survit, eux ils encaissent. À part les miettes, qu'est-ce qui nous reste? Tous résignés et personne ne conteste. Pour tous les oubliés, négligés, isolés, pour tous les rejetés, les sans-papiers, c'est pour tout ce que le système a mis de côté. Pour tous les délaissés, désœuvrés, écœurés, pour les pestiférés, les exclus de la société. On écrase ceux qui n'ont rien, c'est ça la dure réalité. Vivre au jour le jour quand la société n'offre qu'un avenir, sans croire au lendemain, la vie n'est plus, elle survit. Vivre au jour le jour quand l'existence fait tant souffrir, errer dans tous les sens sans aucun but, c'est indigne. Aux exilés, aux sans-papiers, à qui on ne laisse aucun répit, ils sont les premiers naufragés d'un monde à l'agonie. À tous les bannis, à tous les maudits, à toutes les âmes meurtries, faut pas que le droit à la dignité devienne une utopie. À tous les oubliés, négligés, isolés, pour tous les rejetés, les sans-papiers, c'est pour tout ce que le système a mis de côté. Pour tous les délaissés, désœuvrés, écœurés, pour les pestiférés, les exclus de la société. On écrase ceux qui n'ont rien, c'est ça la dure réalité. Pour tous les oubliés, négligés, isolés, pour tous les rejetés, les sans-papiers.